n'aurais jamais été jusque-là. Oh, ces mensonges, ces sales injures, qu'il n'osait pas te jeter à la face. C'est à moi qu'il est réservé. Mais tu aurais dû me dire. J'aurais pu... Oh, je connaissais ta violence. Oh, je préférais souffrir en silence. Tu es comme moi, le mensonge te révolte. Tu es si bon, si juste, si généreux. C'est vrai, je dis les choses en face. Mais... Nous nous comprenons si bien. Nous étions faits l'un pour l'autre. Et c'est pourquoi Moreau enrageait. Il enrageait de nous voir pareils, tous les deux. Ah, comme tu vois clair, mon chéri. Mais pardi, nous ne sommes pas responsables. C'est Moreau qui nous a poussés à bout, voilà tout. Oh, tiens, tout à l'heure encore, il a prononcé des paroles si odieuses que je n'ai pu contenir ma révolte. Oh, je suis fière de toi, vois-tu. Je t'aime si tendrement. Oh, Michel. Oh. Tu ne m'avais jamais parlé avec autant de confiance. Je n'osais pas. Une honnête femme a des timidités qu'un homme ne comprend pas toujours. Oh, je suis bien heureux. Oh, notre amour. Et si... Il aura fallu... cet accident. Oh, oui. Il aura fallu cet accident pour mesurer la profondeur de notre amour. C'est ça. La profondeur. Je n'aurais pas trouvé le mot. Oh, ben... J'étais encore heureuse de subir ces injures, ces brutalités, puisque c'était pour toi. Quand il me frappait... Quoi? Il te frappait? Oh, le cochon! Oh, que je pense. Oh, Lucienne, je vais te dire, hein, nous avons fait acte de justice. Parfaitement, acte de justice. Et je n'ai pas besoin de te dire que je prends ma part de responsabilité. Je veux part égale. Je serai le complice, comme ils disent. Non, mon ami, non. Ce serait stupide et tellement inutile. Mais tu ne peux pas refuser. Pourquoi sacrifier deux existences, deux réputations? Mais puisque moi aussi, je suis responsable. Nous n'avons pas le droit de perdre deux êtres. Soyons courageux. Il faut que l'un de nous se dévoue. Il faut que l'un de nous écrive au commissaire. C'est moi qui ai frappé, c'est moi qui suis le coupable. Moi seul. C'est trop grave, ça. Je peux pas... Comprends-tu, mon chéri, pourquoi je n'accepte pas ton dévouement? Tu n'es pas assez fort. Non, tu ne vois pas les conséquences. Laisse-moi ma part. C'est moi qui me sacrifierai, cela vaudra mieux. Tu essaieras de refaire ta vie, et moi, dans ma prison, je penserai aux belles journées d'autrefois, à nos matins... Oh! Oh non, Lucienne. Oh non. Oh non, ça je ne peux pas accepter. Oh non, puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul coupable, ce sera moi. Tant pis. Pour moi les juges, pour moi la prison, pour moi. Non, je ne veux pas, j'aurai trop de chagrin. Après tout ce que j'ai déjà souffert. Je... Allez, c'est dit. C'est dit. Qu'est-ce que tu fais? J'écris au commissaire de police pour me dénoncer. Non, réfléchis. À quelle heure est-ce que Moreau? Mais 4h-10. Tu diras que je venais de monter chez nous. N'oublie pas non plus de dire qu'il t'avait provoqué, menacé. Oui, oui. Oh. Ce pauvre Moreau, tout de même. Tu n'auras pas la force de supporter une pareille épreuve. Laisse-moi faire. Les femmes sont souvent plus courageuses que les hommes. Peut-être parce que leur amour est plus sincère, plus désintéressé. Laisse-moi, je te dis que tu n'auras pas le courage. Mais je n'ai pas peur. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Tu es si bon, si généreux. Lucienne. J'ai peur. Oh, mon pauvre chéri. Je suis là, moi. Je ne te quitte pas. Je te soutiendrai de toutes mes forces, de tout mon amour. Oh. Veux-tu que je te dicte la lettre? Oui. Oui, dicte-moi. Moi, je ne pourrais pas. Écris. Monsieur le commissaire. Monsieur. Le commissaire. Une querelle est survenue entre Monsieur Moreau et moi. Mmh. vais la mettre moi-même dans la boîte du commissariat. Personne ne saura qui l'a apportée. Reviens vite, Lucienne. Ne me laisse pas seule avec le mort. C'est vous qui gardez la boutique, maintenant? Je garde la boutique? Ah oui, je garde la boutique. De mieux en mieux. Quoi? Rien. Maman n'est pas là? Non, elle est sortie faire une course. Papa n'est pas là non plus? Il est sorti, lui aussi. Tant pis. C'est peut-être mieux comme ça. Je m'en vais. Je m'en vais, monsieur Duxin. Bon. Vous faites une drôle de tête. Je fais une drôle de tête, je crois bien, oui. Vous avez des ennuis avec mon père? Des ennuis, oui. Bien sûr, des ennuis. Vous ne l'avez pas volé. Mes paroles ont l'air de vous étonner. Vous me prenez pour une imbécile. Je n'étais pas fière de ce qui se passait à la maison. Mais je n'avais qu'à me taire. J'étais votre complice, en somme. Et c'est bien ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Vous ne dites rien, monsieur Duxin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un sale individu, une brute, un coupeur de viande. C'est une affaire entendue. Vous n'avez pas fini de le répéter. Hein? J'aime autant ça. Vous me détestez déjà. C'est mieux comme ça. Vous êtes méchant. Vous n'avez pas mérité d'avoir un fils comme Alfred. Allez-y, remettez-en. Vous regretterez. Voilà bien avancé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu lui as dit? Moi, mais rien du tout. Tes parents ne sont pas là? Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, mais rien! Et d'abord, qu'est-ce que tu fous là? Ah, dis donc, espèce de morveux, je suis encore ton père! Tu veux que je te flanque une paire de claques? Non, tu as raison. À quoi bon me fâcher? Tu as tous les droits. Tu peux me traiter de haut en bas. Je ne suis plus ton père. Pourquoi plus mon père? Tu aimes toujours Madeleine? Oh, t'occupe pas de Madeleine! C'est bien ce que je dis, je sais plus rien, quoi. J'ai cru un moment que tu étais pour nous, puis j'ai compris. Tu avais autre chose en tête, hein? Oh, ne crois pas ça. Madame Moreau ne veut pas entendre parler d'un garçon boucher pour Madeleine, au moins c'est ce qu'elle veut pour sa fille. Mais toi, je pourrais bien épouser la grand-mère du boulanger, hein? Alfred. Tiens, lave-la, t'as Madame Moreau. Moi, je fous le camp. Adieu. Madame, pardon. Tu l'as mis au courant? Non, merci. Il aurait peut-être mieux valu l'avertir. Ah, il le saura toujours bien assez tôt. Quand je pense que quelqu'un, peut-être le commissaire, peut-être toi, va lui dire que son père est un assassin, qu'il a tué un homme d'un coup de couteau, c'est à devenir fou. Vois-tu, c'est encore toi qui as la meilleure part. Songe à ce que la vie va devenir pour moi. Si au moins j'avais l'assurance de revenir, même dans 3 ans, Lucien. Même dans 5. Ah oui. Même dans 10. Même dans 20. Tout à l'heure, tu me parlais si tendrement. N'embrasse pas ici, voyons. Quelqu'un peut nous voir. Tu m'as dit des paroles si confiantes. Et puis tout de même, à côté du cadavre, ce serait indécent. Tu devrais comprendre. Mais tout à l'heure, pourtant. D'ailleurs, nous n'avons pas une minute à perdre. Le commissaire va arriver. Nous devons être prêts. Faut pouvoir énoncer sans erreur les circonstances de ton crime. Oh, mon crime. Tu dirais notre crime. Oh, c'est bien le moment d'être susceptible. Ne t'énerve pas. Donc, tu es venu ici à 4h-10 parler de réparation à mon mari. À ce moment-là, je suis sortie par l'arrière-boutique pour monter chez nous et tu en as profité pour... Oh, j'en ai profité. Tu as bientôt fait d'arranger les choses. Oh, tu diras bien que ce n'était pas la première querelle. D'ailleurs, je serai là. Oui, toi, au moins, tu ne perds pas la tête. Moreau a été violent. Il t'a menacé. Tu as pris un couteau dans un écrin, tu l'as frappé dans l'arrière-boutique et tu es rentré à la boucherie. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Ah non, c'est pas compliqué. Ça va tout seul. Ensuite, tu es revenu rôder sur le lieu du crime et c'est là que je t'ai retrouvé en rentrant. Ce qui me rassure un peu tout de même, c'est qu'aux assises, le crime passionnel, c'est plutôt bien vu. Comment, un crime passionnel? Mais qu'est-ce que tu veux dire avec ton crime passionnel? Ben, tu ne prétends tout de même pas faire état de nos relations intimes devant le tribunal. Ben, il me semble tout de même... Mais ce serait odieux! Tu es un galant homme. Oh, ben, un galant homme, c'est bien joli d'être un galant homme. Mais puisque nous avons convenu qu'il y aurait un seul coupable, tu ne vas pas me rendre complice aux yeux des juges, me salir devant toute la ville. Enfin, moi, je risque ma tête. Oh, si je m'étais dénoncé, moi, la question ne se poserait pas. Je montrerai plus de fermeté. Mais je tiens à ma peau, moi. Laisse-moi au moins dire que j'étais amoureux de toi, qu'à plusieurs reprises tu m'envoyais promener, et la jalousie resterait quand même le mobile du crime. Mais non, ce serait suspect. On imaginera. Oh, tu sais combien les gens sont malveillants. Nos ennemis seraient trop heureux et saisiraient l'occasion d'un scandale et nous traîneraient dans la boue. C'est donc si salissant d'être aimé par un boucher? Oh, je resterai la cause de ton crime. Je serai la femme que deux hommes se sont disputés. Non, ne dis rien. Au point où j'en suis, et puisque tu y tiens, je pourrais aussi bien dire que j'ai tué Moreau par distraction, histoire de passer un moment. Tu as des plaisanteries qui ne sont guère de saison. Je pense à toutes les corvées. La cérémonie, les parents, les amis, les condoléances. Et notre séparation. Il me faudra choisir un avocat. Un avocat? Mais que vas-tu faire avec un avocat? Faut bien que je me porte partie civile. Je vais être obligée de te réclamer des dommages-intérêts. Oh, et combien tu vas réclamer? Je ne sais pas. Pour les convenances, il faut prétendre à un minimum, peut-être 200 000. Des dommages-intérêts, ça c'est le plus beau. Tu vas pas non plus leur réclamer ma tête. Oh, je t'en prie, tu as le beau rôle, n'en abuse pas. C'est vraiment trop facile. Tout à l'heure... Quand tu accrochais tes ongles à mon cou, tu ne disais pas que c'était trop facile, hein? Et maintenant, tu trouves tout à fait normal qu'un honnête homme aille se faire condamner à ta place. Oh, si tu me le reproches déjà! 200 000. Tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère. Oh. En tout cas, j'entends que cet argent ne sorte pas de la famille. J'ai toujours rêvé de voir Alfred épouser ta fille. Ce mariage, je veux qu'il se fasse. Madeleine ne peut pas épouser le fils du meurtrier de son père. Ah, tu veux dire qu'Alfred épouserait la fille d'une criminelle? Ne jouons pas sur les mots. Pareil mariage serait un scandale. Je m'en fous. Arrange-toi. Ce mariage, je le veux, je l'exige. Oh! Tu l'exiges? Oui, sinon, je refuse de me laisser condamner à ta place. À présent, il est trop tard. Trop tard? Tu ne peux pas revenir sur tes aveux écrits. Tu peux dire que tu as été joliment forte. Tu connaissais ton Duxin. En 5 minutes, son affaire a été réglée. Il n'y a pas une larme par terre. Lucienne, je te le demande encore une fois. Les enfants. Non, je t'ai dit non. Mais tout à l'heure, pourtant, tu me suppliais. N'insiste pas. Et si je t'envoyais rejoindre Moreau pendant que j'y suis, hein? Si je t'assassinais pour débarrasser les honnêtes gens? Avec toi, je suis tranquille. Tu es un brave homme, toi. Vache. Condoléances, madame Moreau. Ah, monsieur le commissaire, quel malheur. Un homme si bon. Du courage, madame Moreau, du courage. Il a encore à passer par de rudes épreuves. Alors, monsieur Duxin, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez tué ce pauvre monsieur Moreau? Mon Dieu, oui. Ça ne doit pas vous étonner, hein? De la part d'un boucher, il fallait s'y attendre. Pas forcément. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste? On s'est engueulé. Un coup de couteau. Il m'avait traité de coupeur de viande. Bon, c'est pas une injure bien grave. Ah, vous trouvez? Moi, ça m'a mis en colère. J'avais mon couteau à la main, mon couteau de boucher parti. Alors, l'habitude, n'est-ce pas? Je lui ai planté la lame en plein cœur. Il est là? Oui. Il est mort aussitôt. C'est-à-dire... Oui, aussitôt, pas le temps de dire ouf. Pourquoi étiez-vous venu le trouver ici? Pourquoi? Mon mari se querellait très souvent avec l'assassin. Et non, tout à laissez parler, monsieur Duxin. Non, c'est vrai, monsieur Moreau, on ne pouvait pas me supporter. Chaque fois qu'on se rencontrait, on avait des mots. On en était même arrivé à s'engueuler de porte à porte. Et remarquez, ça n'est jamais moi qui ai commencé. Alors, en somme, si je comprends bien, vous étiez sur le seuil de la boucherie quand monsieur Moreau vous a interpellé. Vous veniez de couper de la viande, vous aviez votre couteau à la main. Vous êtes venu le trouver. Et la dispute s'est envenimée. Oui, c'est bien ça. Mais quand je suis rentré avec mon couteau, je n'avais encore l'idée de rien. Vous avez eu un geste malheureux. Il n'en faut pas plus pour devenir un assassin. Un assassin. Oh, c'est vrai. Oh, je n'y pense pas assez. Je suis devenu un assassin. Oh, misère de misère. Pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui suis là-bas au lieu de l'autre? Ne vous désolez pas, monsieur Duxin. Tout ça s'arrangera. C'est entendu, vous avez tué M. Moreau. Mais vous pouvez très bien vous tirer d'affaire. Après tout, il ne s'agit que d'un crime passionnel. Comment un crime passionnel? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que M. Duxin était votre amant et que M. les jurés ne m'en comprend pas en tenir compte. Mais c'est absurde, commissaire. Je vous jure qu'entre M. Duxin et moi, il n'y a jamais rien eu. Absolument rien. Du reste, il vous le dira lui-même. Bien sûr, ça ne tient pas debout. Surtout que moi, les femmes, j'en suis bien revenu. Je ne comprends pas, commissaire, comment vous pouvez tenir de pareils propos sur le compte d'une femme irréprochable. Vous avez l'air d'ignorer que depuis 2 mois, vos amours sont la fable de toute la ville. Mais c'est abominable. Notez que pour ma part, j'ai été informé par une personne digne de foi. Tous les soirs, je faisais ma partie de cartes avec M. Moreau. Je recevais ses confidences. Ce pauvre Moreau... Il me disait qu'il avait peur de sa femme et qu'un jour ou l'autre, elle finirait par le tuer. Et il a dû être bien surpris quand le boucher l'a frappé. Vous avez la contrariée? Oh, non, mais non. Il faut que j'aille voir ma fille, elle ne sait rien encore. Je vous demande encore quelques instants, j'ai besoin de votre présence pour certaines formalités. Quant à mademoiselle, votre fille, j'ai là une lettre. Je l'ai trouvée sur le comptoir de la boucherie, comme elle vous était adressée. J'en ai pris connaissance. Votre fils Alfred vous informe qu'il est parti avec la fille de M. Moreau. Parti? Madeleine et moi, écrit-il, on n'en pouvait plus. On avait besoin d'un coup d'air pur. Oh, ils ont bien fait. Un coup d'air pur. C'est pas moi qui leur fais des reproches. Oh. Je ne me méfie pas assez de ce jeune voyou. Commissaire, il n'y a pas une minute à perdre. Il faut absolument les rattraper. Voyez-vous. Comment? Votre fille a la chance d'être aimée par le fils d'un brave homme. D'un brave homme. Protestez pas. Mais c'est-à-dire que je... Oh, mais non, poignet, vous avez une tache de sang, là. Oh. Non, je m'étais trompé, non, c'est rien. Monsieur Duxin, où diable avez-vous mis votre couteau de boucher? Je ne le vois nulle part. Mon couteau? Mais je l'ai laissé. Monsieur Duxin l'avait laissé chez lui. Oh, en réalité, c'est avec un des nôtres qui l'a frappé. Ah, vous étiez là? Ah non, j'étais sorti. Vous venez de rentrer? À l'instant. Et c'est en rentrant que vous avez découvert le crime? Oui. Et pourtant, mais c'est vous qui avez porté la lettre d'aveu de Monsieur Duxin dans la boîte du commissariat? Mes agents, vous avez la glissée dans la boîte. Monsieur Duxin, êtes-vous bien sûr d'être l'assassin de Monsieur Moreau? Mais puisque je vous le dis. Qu'en pensez-vous? Je vous ennuie, hein? Allez, passons tous à lire sans importance. Nous allons relever les empreintes digitales sur la manche du couteau et dans un moment, nous saurons qui est l'assassin. Le roi, par ici, ne laissez entrer personne. Hier soir... Monsieur Moreau m'a beaucoup parlé de vous. Il était plus calme que d'habitude, un peu découragé aussi, un peu abattu. On aurait cru qu'il sentait venir la fin. Il me disait, en parlant de vous, elle connaît les autres mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Ah, oh, pauvre Moreau, il me disait aussi... Assez! Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous en prie, madame. Vous n'allez pas m'empêcher de prendre ma montre, tout de même. Madame Moreau! Madame Moreau! Bonjour, mademoiselle Vorbe. Qu'est-ce qui se passe, madame Moreau? Je viens pour prendre ma montre et on me dit... Calmez-vous, mademoiselle Vorbe. Pour votre montre, il n'est pas possible de vous la donner aujourd'hui. Monsieur Moreau m'avait promis? Oui. Mais monsieur Moreau est mort. Mort? Oh, madame Moreau, quel malheur! Que lui est-il arrivé? C'est moi qui l'ai assassiné. Je l'ai tué d'un coup de couteau. En plein cœur. C'est affreux, n'est-ce pas? Je n'en reviens pas. Vous, Madame Moreau. Vous. Ah, je vois ce que c'est. C'est encore une histoire d'amour, n'est-ce pas, Madame Moreau? Une histoire d'amour, il y a un homme là-dessous. C'est lui, c'est le boucher, hein? Un homme superbe, n'est-ce pas? Voyez comme il est bâti. Regardez ses épaules, et ses mains, et ce torse. Mais enfin! Vous n'avez donc pas pensé à ce que les gens allaient dire? J'y pensais justement beaucoup. Et c'est peut-être ce qui m'a poussé au meurtre. On ne sait guère pourquoi on tue. Tout se passe au fond de nous-mêmes, en un remous noir, où la raison ne voit même pas clair après coup. Commissaire, il se peut que j'aie tué pour me délivrer de la considération de Mademoiselle Vorbe et de ses pareils. Le fait est que je me sens maintenant très à l'aise. Allez vite répandre la nouvelle au dehors, Mademoiselle Vorbe. Ne perdez pas une minute. Et dans un moment, toute la ville fera la haie pour me voir passer entre deux agents. D'ailleurs, en vous attardant ici, vous risquez de vous trouver enfermé avec le mort. N'est-ce pas, commissaire? On ferme la boutique. Thank you.